Dis, Bibounette, tu veux faire quoi aujourd'hui? La même chose que tous les mois, mon Bibou. Faire un petit podcast. Bibou et Bibounette, Bibounette et Bibou, ils se prennent pas la tête et vous donnent rendez-vous. Rendez-vous bonne franquette chez Bibou, Bibounette, chez Bibou, Bibou et Bibounette. Net, net, net, net. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de chez Bibou et Bibounette, le podcast. Bonjour mon Bibou. Bonjour Bibounette. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va super bien, bonjour à toutes et à tous. Et oui. Effectivement, bienvenue dans l'épisode 6, la grande finale. Voilà, donc ce troisième épisode de cette grande saga des quiz. Tout à fait, et la grande finale, que le meilleur gagne et que le meilleur perde. C'est ça. Oui, c'est ça. On est tous les deux les meilleurs et tous les... Oui, c'est ça, et les plus beaux. Donc, on le rappelle, tu as gagné la première manche, tout à c'est fait. Ça, sur le cinéma. Exactement. Toi, tu as gagné la manche sur les séries. Séries télé. Exactement, qui n'était pas très facile. Hein. On avait remonté un petit peu d'un cran, j'avais l'impression. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais. Je sais pas. Et donc là, on attaque la finale avec cinéma et séries télé. C'est très malin, encore une fois. C'est encore très malin. On reste sur une trentaine de questions, toujours. Une trentaine de questions chacun. Exactement. Voilà. On a toujours les mêmes jokers. Donc, on a le joker 50-50. D'accord. Après, on a la loupe. D'accord. Qui va nous permettre d'avoir un indice. Tout à fait. Si on n'a pas d'indice, l'autre personne nous donne, va effectuer un 50-50 sur la question. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide. D'accord. Et on a toujours ce joker, l'appel à un ami. Avec deux nouveaux invités aujourd'hui. Exactement. On les présentera peut-être tout à l'heure ou... Non, je pense qu'on va les présenter tout de suite, parce que tout à l'heure, comme on sera dans le jeu, on ne pourra peut-être pas trop les présenter. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, parfaitement. Alors moi, je vais appeler PM. Tu vas appeler PM, toi, tout à fait. Qui? Moi, je vais appeler Yoho, qui fait partie. Ils font partie tous les deux du même podcast Rennais. En fait, ça. On appelle d'un couple de podcasteurs Rennais. C'est ça. Voilà. Ils font partie du podcast de Péremptoire. Tout à fait. Dont on n'a pas le droit de dire le nom. Non, on le dira pas. Nous, on peut le dire. Mais je crois qu'ils ont un truc, en fait, ensemble, qu'ils n'ont pas le droit de ah, dire. Ah oui, oui. Voilà, c'est ça. Ils ont ensemble le truc qu'ils ne doivent donc pas dire. Donc, c'est un podcast qui s'appelle Version de Travail Final. Tout à fait. Les abréviations VDT. FF, qui est très bien, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Voilà, bah écoute, moi je me sens assez motivée là. Ouais. Est-ce qu'on trinquerait pas quand même? Parce qu'on a une bonne petite bière ah, oui, là. Alors, je et vous ai acheté, acheté une charnue. Parce oui. qu'on ne met pas la charnue. Avant les bneufs. Hein. C'est ça. Tout à fait. Santé mon bibou. Allez, et puis que le meilleur gagne. Hein. Et eh ben, je pense que je vais pouvoir lancer le jingle. Allez, donc, le même que d'habitude. Vous le connaissez maintenant. Voilà, donc c'est bien le thème de Qui veut gagner des millions, tout à proposé fait. Sur le logiciel Mario Paint. Donc écoute, c'est parti. C'est génial, c'est parti. La grande finale est lancée. D'accord, ok. T'as alors, je me rappelais plus. Ah, écoute, je vais lancer une petite BO. Ouais, je ouais. cherchais tout à l'heure. On avait fait série, je crois, pour série pour le cinéma. On avait mis. Non, on avait mis un film, on avait mis Le Seigneur des Anneaux. Oui. Sur le série télé, on avait mis Game of Thrones. Exact. Et là, j'ai envie d'écouter la BO de Jurassic Park. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Et je pense que c'est très bien. Ouais, ça passera super bien pour les petites questions. Très bien. Et après. Et bah du coup, la première partie, c'était moi qui avais commencé. C'était toi ou c'était moi la dernière fois? La dernière fois, c'était toi. Qui avait commencé? Ouais, la première, c'est moi. La deuxième, c'est toi. Et bah écoute, bah toi l'honneur. Tu vas pouvoir commencer. Moi, j'avais envie de dire honneur au perdant, mais bon. Ok, je commence. Dans la série Irresponsable, okay. Julien, qui est interprété par Sébastien Chassagne, retrouve son premier amour. Comment s'appelle-t-elle? Est-ce que c'est Fanny? Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Nathalie? Ou est-ce que c'est Aurélie? D'accord, donc je crois que j'ai la réponse, mais on va laisser peut-être un peu de temps. Oui, on aux va auditeurs. Laisser un peu plus de temps, parce que c'est vrai qu'on laisse jamais assez de temps. Est-ce que tu Marie, ouais. Nathalie, Aurélie ou Fanny? Alors, je vais répondre Marie. C'est une très bonne réponse, c'est ton premier point. Bien, bien joué, Bibou. Merci. À ton tour. Alors, ma première question. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, comment s'appelle l'intelligence artificielle? Oui. Est-ce que c'est HAL 7000, HAL 8000, HAL 9000 ou HAL 10000? Est-ce que tu veux que je te le répète? Ah, tu m'as dit 7, 8, 9 ou 10? 7000, 8000, 9000 ou 10000? Je réfléchis. Ouais, ouais. 7000, 8000, 9000 ou 10000. Je vais dire 8000. Et c'est mon dernier mot. Tu dis 8000? Oui. Tu valides? Je valide. Eh bien, c'était HAL 9000. Ouais, voilà, je suis désolé. J'avais un doute et ouais. Voilà. Bon, donc, en sachant que dans la version française, il s'appelle Carl 500. Voilà. Bon, bah écoute, c'est le jeu. C'est le jeu et ça commence très bien pour moi. Oui, ça commence très bien pour toi et ça commence à m'énerver aussi. Ah déjà? Ah oui, ah ouais, déjà, première question. Quoi. Dans le film Dirty Dancing de 1987, oui. Comment s'appelle la pension de vacances dans la région des Quatre Styles, dans l'état de New York, dans lequel a lieu tout le film? Est-ce que c'est le pension de la famille Kellerman? Est-ce que c'est la pension de famille Truman? Est-ce que c'est la pension de famille Haussmann? Ou est-ce que c'est la pension de famille Goldman? D'accord. Kellerman, Truman, Haussmann ou Goldman? Alors, je vais t'avouer que c'est pas forcément mon film préféré. Non, c'est vrai. Donc, si je réponds, ça va être clairement du hasard. Ouais. Kellerman, Truman, ouais. Haussmann ou Goldman? Je vais dire Truman. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Et c'est une mauvaise réponse. La réponse est la réponse Kellerman. D'accord. Truman, j'ai pris Trou pour le Truman Show. Mmh. House pour juste maison. Et Goldman pour... Better Call Saul. Goldman. D'accord. Bon, pas tant pis. Voilà, c'est une mauvaise réponse. Ok. Ma deuxième question. Tout à fait. Dans la série Daria, quel est le nom de famille de Daria? Est-ce que ça s'appelle Daria Lane, Daria Morgendorfer, Daria Rutheimer ou Daria Spencer? T'en as pas fait une quatrième? Ah, j'ai dit les quatre. Ah, t'as dit les quatre. Ah, vas-y, voilà. Daria Lane. Ouais. Daria Morgendorfer. Ouais. Daria Rutheimer, ouais. Ou Daria Spencer? Oh punaise. Je vais dire Daria Spencer. Non, mais non, Spencer. Mais non. La première, tu m'as dit, c'est Lane. Hein, alors, c'est Lane, ça ouais, c'est la A. La Lane. Daria Lane. Tu valides? Je valide. C'est une mauvaise réponse. Oh punaise. Il y avait un petit piège. En fait, Lane, c'est le nom de famille de sa meilleure amie, en fait. Jane et son frère Trent, qui fait la musique. Voilà. Qui s'appelle Jane Lane. Et la bonne réponse était Morgendorfer. Ah bah voilà, j'ai fait non tout de suite, j'ai confondu, j'ai interverti avec sa meilleure amie. D'accord. Bon bah voilà, je n'ai toujours pas de points. Oui. Super. J'attaque ma troisième dans la série Ozark. D'accord. Marty, qui est joué par Jason Bateman, blanchit de l'argent pour un baron de la drogue. Mais quel est son métier? Est-ce qu'il est banquier? Est-ce qu'il est conseiller en immobilier? Est-ce qu'il est conseiller en gestion financière ou est-ce qu'il est assureur? C'est assez facile, ça. C'est pour toi peut-être, mais pour d'autres, ça peut être difficile. Oui, c'est vrai qu'on a vu la saison 3 il n'y a pas dans très longtemps. Dans Ozark, donc Marty, blanchit de l'argent donc, pour un baron de la drogue, mais quel est son vrai métier? Donc il y a banquier, conseiller en immobilier, conseiller en gestion financière ou assureur. Alors, il est conseiller en gestion financière. Et c'est une très bonne réponse, ce qui oui. fait ton deuxième petit bâton. C'est ça. Bien joué, Bibou. Quand même. Donc, j'en suis à ma troisième question. Exact. Dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Le numéro 2. Comment s'appelle le magasin de jouets à New York? J'ai failli la faire, celle-là, dans la... Ouais. Donc, tu vas connaître la réponse. J'espère. C'est pas grave. Est-ce qu'il s'appelle le coffre à jouets de Fao Schwartz? Non. Le coffre à jouets de Crawford? Le coffre à jouets de Duncan? Ou le coffre à jouets de Warren? Est-ce alors, que tu veux que je répète? Oui, alors je sais que c'est donc... oui, effectivement. Tu l'as en fait. J'ai hein. bien la réponse, mais d'accord. Je te laisse répéter donc, les propositions. Donc on est sur le coffre à jouets, effectivement. Donc le magasin, le grand magasin de jouets qu'il y a dans Maman, j'ai raté l'avion, le numéro 2. Où d'ailleurs il y a Donald Trump dedans. Oui. Dans un hôtel qui c'est croise Macaulay Culkin. Et donc, tu me proposais... Donc, alors, le coffre à jouets de Fao Schwartz. D'accord. Le coffre à jouets de Crawford. D'accord. De Duncan. Ouais. Ou de Warren. Eh bien, ce sera de Duncan. C'est une très bonne réponse. Merci. Quand même. Alors, sachant qu'il y avait trois magasins de jouets fictifs, il y a juste le premier, Fao Schwartz, qui est un véritable magasin de jouets, en fait, qui a fermé ses portes il n'y a pas très longtemps à New York. et qu'on voit dans le film Big. C'est la scène où Tom Hanks va jouer du piano, en fait. Ben, bravo pour les recherches. Ah bah, franchement, c'est précis. Et très bien joué pour le point. Merci à toi. Ok. Ma petite question numéro 4, ce sera dans le film Baby Driver de 2017. Ok. Quel est le métier de la fille des rêves de Baby, Déborah? Okay. Est-ce qu'elle est caissière? Est-ce qu'elle est serveuse? Est-ce qu'elle est chanteuse? Il la rencontre dans la rue et on ne connaît pas son métier, du coup. Le okay. métier de Déborah, la fille des rêves de Baby, dans Baby Driver, mm-hmm. est-ce qu'elle est caissière? Est-ce qu'elle est serveuse? Est-ce qu'elle est chanteuse? Ou il la rencontre dans la rue et on ne connaît pas son métier? Alors, je pense que j'ai la réponse. Je pense qu'elle est serveuse. Et c'est une très bonne réponse, Bibou. Oui. Et de 3. C'est assez facile. Ça va se corser un peu par la suite ou pas? Oui. Tu verras. D'accord. Okay. Un peu de suspense quand même. Alors, 4e question pour moi. Dans Game of Thrones, quel est le nom de la bataille durant laquelle Tyrion Lannister recevra sa balafre? Est-ce que c'est la bataille de la Nera? La bataille des bâtards? La bataille de Blackwater? Ou la bataille de Castle Black? La première, tu m'as dit, c'est... Alors, je vais même les répéter toutes D'accord. les quatre. La bataille de la Nera, la bataille des bâtards, la bataille de Blackwater ou la bataille de Castle Black. Alors, je ne vais même pas utiliser le Joker, c'est la bataille de la Nera, parce que c'est là où il balance du grégorien et lui, il passe du par les... Ouais. Ouais, du feu Greyjoy, excuse-moi. Mm-hmm. Et il passe justement par les catacombes et il doit se battre aussi Tyrion et c'est là qu'il est agressé et qu'il a sa balafre. Tout ça à Port-Réal, c'est une très bonne Tout réponse. Merci Bien joué. Merci beaucoup. Tu es à 2, je suis à 3. Oui, on tient les points en même temps. Rien n'est joué. Parfait. Moi, celle-là, elle est facile, mais je la trouvais tellement... Il fallait que je la fasse. Dans la série Parks and Recreation, Andy Dwyer, interprété par Chris Pratt, est chanteur dans un groupe. Quel est son nom? Est-ce que c'est Rat-Souris? Est-ce que c'est Rat-Poisson? Est-ce que c'est Souris-Rat? Ou est-ce que c'est Souris-Poisson? D'accord. Ah, tu sais que pendant la série, il change de nom... Oui, je sais, justement. ...une centaine de fois. Ouais. Est-ce que tu peux me répéter? Parce que là, ça m'a embrouillé, du coup. Voilà. Est-ce que c'est Rat-Souris? Ouais. Est-ce que c'est Rat-Poisson? Est-ce que c'est Souris-Rat? Ou est-ce que c'est Souris-Poisson? Alors, je crois que c'est Souris-Rat. Mais du coup, maintenant, j'ai un petit doute avec Rat-Souris. C'est vrai que Andy change souvent de nom, mais il en a quand même un qui reste toute la série, qui revient très souvent. Ils ont même fait des t-shirts dessus. Ils vont aussi se céder quand ils cirent les chaussures et tout. D'accord. Et bah, s'appelle. Alors je vais dire Sourira et je vais valider Sourira. Et tu valides Sourira et c'est une très bonne réponse. Moi j'avais trop envie de la faire cette question quand même. C'est très bien. Okay. C'est toujours bien des questions sur Pax and Rex. Exactement. Alors je vais passer à ma 5e question. Quel est le nom de Robert De Niro dans Taxi Driver? Est-ce qu'il s'appelle Travis Brooks, Travis Butler, Travis Boyd ou Travis Bickle? Oh là là. Est-ce que tu veux que je te le répète? Ouais, je veux bien. Alors, Travis Brooks, Travis Butler, Travis Boyd ou Travis Bickle? Alors déjà, le prénom, ça c'est sûr, c'est Travis. Bien joué. J'hésite. Ouais, je vais pas dire ce à quoi j'hésite parce que tu vas me faire un 50-50 dessus, donc je ne vais rien dire. Bien du joué coup. Encore une fois. Je vais prendre l'indice loop, si c'est possible. Bah non, c'est pas vraiment possible, donc si tu me demandes une loop, je te ferai un 50-50. Bah vas-y, fais-moi un 50-50. Tu veux que je fasse ça? Ouais, allez, vas-y. Alors il va te rester Travis Brooks et Travis Bickle. Eh bah, ben je prends Travis Brooks. Tu valides? Je valide. Et c'était Travis Bickle, ouais, je suis désolé. Voilà. T'hésitais entre lesquels, toi, à l'origine? Bah, ceux-là. Ah, d'accord. Ah, bah, cool. ça m'a pas beaucoup aidé, en fait. D'accord. Ouais, super. Bon, allez. Pas grave. Rien n'est joué, Fanny. Non. Dans le film Allô, maman, ici, bébé, où Molly surprend-elle Albert avec une autre femme? Est-ce que c'est à la terrasse d'un restaurant? Est-ce que c'est dans une cabine d'essayage? Est-ce que c'est dans le bureau de Albert? Où elle ne sait jamais et ne le sait pas qu'il la trompe? Alors, je crois que j'ai la bonne réponse. D'accord. Donc, je vais redonner les réponses. Oui. Dans Allô, maman, ici, bébé. Où Molly surprend-elle Albert avec une autre femme? À la terrasse d'un restaurant, une cabine d'essayage, dans le bureau de Albert, où elle ne le sait jamais, elle ne le sait pas qu'il l'a trompé. Alors, je vais dire dans une cabine d'essayage. Et c'est encore une très bonne réponse, ce qui te fait 5 points. Alors pourquoi je sais? Parce que la dernière fois, le premier épisode, j'ai fait une question sur Allô, maman, ici. Et j'étais tombé sur cette info, en fait. Voilà. Oui. Oui, t'es à 5, oui. Alors, dans Mr. Robot, ouais. Elliot Anderson travaille en tant qu'ingénieur dans une société de sécurité informatique. Eh ben voilà, j'en étais sûre. Vas-y, pose-moi la question. Donc tu as déjà choisi la même question. Oui, la question numéro 7 porte sur exactement la même série. Vas-y. Vas-y, quelle est ta question sur... Mais quel est le nom de la société ? Ok, donc c'est exactement la même question. Ok, donc on en est à la deuxième bouteille de champagne. J'ai la deuxième ou la deuxième ? La deuxième et demie. Ah oui, ça devient un manque de temps. Alors, qu'est-ce que tu as comme proposition ? Alors, quatre propositions. Overwatch Security. Ouais. All Safe Security. D'accord. Deliberate Security. D'accord. Blackwater Security. Ok, bon bah vu que c'est ma prochaine question, je connais la réponse qui est All Safe Security. C'est une très bonne réponse. Donc moi, je serais assez d'avis qu'on barre celle-là, qui nous vaut une bouteille de champagne. Et on prend notre question numéro 32. Ah, t'as quand même trouvé la réponse. Oui, c'est vrai. Mais parce que j'ai la question sous les yeux. Bon, allez, bah, le tu truc, prends c'est le point. Le truc, c'est que ouais, tu prends le point, mais ta question à toi, tu la barres et tu et t'auras je te une dis question, ma question bonus. Et je te dis ma question, je te lis ma question 32 à la place de c'est la ça, 7. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, dans le film Le silence des agneaux, oui. L'agent Starling va rendre visite à Hannibal Lecter. D'accord. Dit Hannibal le cannibale. Qui est dans les quartiers haute sécurité de l'hôpital psychiatrique de Baltimore. Depuis combien de temps est-il en prison ? 4 ans, 8 ans, 12 ans ou 15 ans ? D'accord. J'en ai aucune idée. Tu peux me répéter les réponses ? Dans le, Seigneur des... le silence des agneaux. Oui. Combien de temps... Depuis combien de temps est enfermé Hannibal le cannibale ? Est-ce que c'est 4 ans, 8 ans, 12 ans ou 15 ans ? Si je te demande un 50-50 maintenant, ça va pas beaucoup m'aider. 4 ans, 8 ans, 12 ans et 15 ans. Comme indication, je peux te dire que le nombre de temps qu'il a été en prison est le même qu'il a passé et qu'il s'est évadé en fait. Il s'est évadé la même année. D'accord. Je ne sais pas si ça peut t'aider. Alors, il faut que je me remémore un peu le film. J'ai envie de dire 4, j'ai l'impression que c'est assez récent. Mais en fait, je vais dire 8. Et je vais valider 8. Tu valides 8 ouais. Donc depuis combien de temps Hannibal Lecter est en prison quand Starling va lui rendre visite oui. Dans le silence des agneaux et c'est bien 8 ans. D'accord. Tout à fait. Et il s'évade la même année. Ok, très bien. Il n'a pas passé autant de temps que ça en prison. Donc voilà. Ok. Donc tu vois, ma question, mes deux questions supplémentaires, il y en a déjà une qui a sauté. Tu vois. T'en avais 32, c'est ça ? Oui, j'en ai fait 32. Donc d'accord. Toi, tu peux déjà t'en mettre une entre parenthèses. Ok. À toi pour la septième, pour c'est la septième ça question, c'est tout ça. Tout à fait. Dans E.T. l'extraterrestre. Oh là là, j'ai pas intérêt à me foirer là. Ouais, elle peut être compliquée celle-là, je suis en train de penser, ouais. C'est pas grave. Dans E.T., quelles sont les trois figurines que montre Elliot à E.T. À un moment, ils sont dans la chambre, ouais, tout à fait, lui montre ses figurines. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il lui montre Dark Vador, Luke et Han Solo, Yoda, Jabba et Princesse Leia, Greedo, Lando Calrissian pardon, et Boba Fett ou Monsieur Spock, R2-D2 et un Vélociraptor. La deuxième, tu m'as dit, c'est ? La deuxième, c'est Yoda, Jabba the Hutt et Princesse Leia. Et le troisième ? Greedo, Lando Calrissian et Boba Fett. Je vais partir sur la troisième. Ouais ? Ouais. Tu valides ? Non, pas encore. La première, il y avait Dark Vador. Première, c'était Dark Vador, Luke Skywalker et Han Solo. Ouais, je vais rester sur la troisième. Tu restes sur la troisième ? Ouais, je valide. C'est une très bonne réponse. Ouais, c'était ouais. Bien Greedo, Lando et Boba Fett. Ouais, je me souviens qu'il fait un truc avec piou, piou, piou. Tu dois te rappeler de Boba Fett, en fait, tout surtout. Tout à fait. Ouais, ok, bah ouais, très bien. J'ai 4 points. C'est bien, et puis c'est E.T., on te la fait pas ouais, sur E.T. à toi. Ouais, quand même. Hein. Ouais. Allez, dans ma huitième question, dans le film Dumb and Dumber de 94, ouais. Comment s'appelle la perruche de Lloyd Christmas et de Harry Dune ? Wow. Alors, Lloyd Christmas qui est interprété par Jim Carrey et Harry Dune par Jeff Daniels. D'accord. Et comment s'appelle la petite perruche ? Est-ce qu'elle s'appelle cacahuète ? Est-ce qu'elle s'appelle pistache ? Est-ce qu'elle s'appelle caramel ? Ou est-ce qu'elle s'appelle chocolat ? Ok. Ok. Alors, quand j'ai entendu cacahuète, j'allais dire ça, mais vu les autres réponses derrière... Est-ce que la perruche s'appelle pistache, cacahuète, caramel ou chocolat ? Alors, chocolat, je pense pas. D'accord. J'ai envie de dire pistache. T'as envie de dire pistache ? Parce que j'hésite avec cacahuète. T'as hésité avec cacahuète ? En fait, je voulais dire cacahuète, donc c'est pas cacahuète. Suivant la logique de mes... Ça peut être caramel aussi. Ça peut être caramel aussi. Et ça peut être chocolat. Oui, ça peut être aussi chocolat. Et ça peut être cacahuète aussi quand même. Mais du coup... C'est pas bien ce que tu c'est fais. C'est pas bien ce que je fais. Et ça peut être pistache aussi. Ouais. Bref, ça peut être les quatre. Tu m'as dit que ça pouvait être laquelle, du coup? Bah, toutes. Ouais. Ouais. Et je vais dire pistache. Et tu vas dire pistache. Est-ce que tu valides? Je valide pistache. C'est une bonne réponse. Waouh. Alors là, c'est vraiment du hasard. Ouais, bien joué, bien joué. Ok. Ma huitième question. Dans Parks and Recreation, d'accord, quel est le nom de Ron Swanson, excusez-moi, en tant que saxophoniste de jazz? Ouais. Est-ce qu'il s'appelle Duke Jarrett? Ouais. Duke Parker, Duke Silver ou Duke Bechet? Alors je vais te laisser répéter les propositions. Donc c'est pour Ron Swanson qui joue du saxo dans un petit bar, mais il c'est a ça. Une double identité. Personne en fait. N'est au courant. Exactement. Que, ouais. Je te laisse donner les propositions parce que moi je connais la réponse. Donc son identité Duke Jarrett, Duke Parker, Duke Silver ou Duke Bechet. Et sans hésiter, ce sera Duke Silver. C'est une très bonne réponse. Bien joué. Ça y est, je suis passée à 5. Et à 5 et je suis à 7 si je ne me trompe pas. Ouais, bah. Bien. C'est bien. Ouais. Dans la série Malcolm, Hal a beaucoup de lubies, de passions, mais laquelle ne fait pas partie de celle de Hal? Est-ce que c'est le jeu de quilles chinoise, le jacuzzi, les jeux de société ou la coiffure? Ok, donc tu peux me répéter. Dans la série Malcolm, Hal a beaucoup de lubies, de passions, laquelle n'en fait pas partie de celle de Hal? Est-ce que c'est le jeu de quilles chinoise? Est-ce que c'est le jacuzzi? Est-ce que c'est les jeux de société? Ou est-ce que c'est la coiffure? Eh bien, écoute, je vais te demander un 50-50 sur celle-là. Tu vas me demander un 50-50. Ouais. Bon, je vais faire un 50-50. Et il reste le jeu de quilles chinoise et les jeux de société. Alors, quelle n'est pas sa passion? Je vais dire le jeu de quilles chinoise. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Tu valides. Ouais. Eh ben non, c'était les jeux de société qui sont d'ailleurs spécifiques à Malcolm, parce que quand Malcolm est là, au moins tout le monde joue dans le calme et personne ne gagne. D'accord. Par contre, les jeux de quilles chinoises, c'est même lui qui va coacher Dewey en fait dans la saison 2, dans l'épisode 8. Ok. Voilà. Bon bah ok. Donc pas de points sur Malcolm. Et Malcolm, il y a tellement d'informations à retenir de Malcolm. Ouais, mais et de Hal, c'est assez. Et de Hal, ouais. Trouver une lubie qui n'en est pas une. Et alors, la coiffure, effectivement, on retrouve la coiffure dans la saison 6, dans l'épisode 9. D'accord. Où il ouvre carrément même son salon au sein de sa maison. Ça, je me rappelle. Et ouais. Le jacuzzi, c'est une lubie qu'il a. C'est pour ça que j'avais parlé beaucoup de lubie, de passion. D'accord. C'est une lubie qu'il a et il l'achète à crédit dans la saison 5, dans l'épisode 10. Ah oui, parce qu'on est en train de revoir Malcolm en ce moment et oui. On n'est pas rendu là encore. Exactement. Bien joué. Mais le jeu de quilles est passé, le jeu de quilles chinoise. Ah, je vais peut-être dormir à ce moment-là. Ah bah peut-être. Ouais. Voilà. Faut dormir. Faute. Faut pas dormir. Pas dormir devant Malcolm. Faut pas dormir. Alors, ma neuvième question. Exact. Dans Cette arrivée près de chez vous, combien de fois faut-il lester le corps d'un enfant pour qu'il puisse couler? Ah. Est-ce que c'est une fois? Faire attention, c'est poreux un enfant. Trois fois? Quatre fois? Ou 5 fois? Moi, je dirais que pour un enfant, c'est au moins 2 fois son poids. Alors, je te répète mes réponses. Ouais. Une fois, 3 fois, ah, voilà. 4 fois ou 5 fois? Ah bah donc, c'est 3 fois son poids. Je vais dire 3 fois son poids et je valide. Tu valides? Ouais. C'est une mauvaise réponse. C'était 4 fois son poids parce que les os sont plus légers. Ils sont plus poreux. Alors, pour les hommes de petite taille, c'est une fois. Voilà. 3 fois pour les adultes. Mais 5 fois pour les vieux, parce que les os, justement, sont poreux. Ah, comme c'est les vieux tout à qui sont poreux, voilà. D'accord. Okay. Donc 4 fois pour les enfants. Bon, bah écoute. Parce qu'ils ont des os plus légers. Les os plus légers, c'est 4 fois. Bon, bah c'est bon à savoir si on veut jouer au petit Grégory. Voilà. Alors, le petit Grégory, attention, on ne parle pas de jeter un enfant dans une rivière. Hein. Non, non, le petit Grégory, c'est aussi un cocktail où on prend un morceau de sucre avec une petite olive et qu'on attache. Donc, c'est aussi important de savoir bien lester la petite olive pour qu'elle aille au fond du verre. Voilà, voilà. C'est super glauque. C'est super glauque. Bah, si vous avez vu C'est arrivé près de chez vous, vous avez tout compris. Ma dixième question, ce sera sur le film Jurassic Park de 93, donc le numéro 1. Le professeur Alan Grant a écrit un livre disant que les dinosaures ont évolué pour devenir des oiseaux. Comment s'appelle ce livre? Waouh, wow. D'accord. Est-ce que c'est Le monde des dinosaures? Est-ce que c'est Le monde perdu des dinosaures? Est-ce que c'est L'évolution des dinosaures? Ou est-ce Détective de dinosaures? Alors, ouais. Est-ce que tu peux me les répéter ? Bien sûr, bien sûr. Alan Grant a écrit un livre est cité dans Jurassic Park le 1. Comment s'appelle-t-il ? Est-ce que c'est le monde des dinosaures ? Est-ce que c'est le monde perdu des dinosaures ? Est-ce que c'est l'évolution des dinosaures ? Ou est-ce que c'est le détective des dinosaures ? Alors, le dernier nom. Le monde perdu, vu que c'est le nom du deuxième film, je dirais non plus. Et les autres, c'est l'évolution. Alors, t'as le monde des dinosaures ou effectivement l'évolution des dinosaures ? J'ai envie de dire l'évolution des dinosaures. Est-ce que c'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. Et c'est une mauvaise réponse. Justement, le deuxième épisode a été fait sur le titre du film. D'accord. Sur le titre du livre de Alan Grant, donc le monde perdu des dinosaures. Et le troisième, détective de dinosaures, c'est le titre de son second livre. D'accord, bon. Voilà. Et le troisième sera sur l'île de Isla Nublar. Donc d'accord. Il a écrit trois livres, Alan Grant, quand même. Eh ben, je ne savais même pas. Voilà, bah écoute, hein, il donne des conférences. Ouais, voilà. Ok. Bah, bien joué, bien voilà. joué. Alors, je passe à ma dixième question. Allez. Quel tueur en série n'apparaît pas dans la série Mindhunter de David Fincher ? Joli. Charles Manson, Ed Kemper, Dennis Rader ou Ted Bundy ? Dennis Rader, Manson, Ted Bundy ou Kemper ? Ou Kemper. Alors, Kemper, Manson et Bundy, oui. Et le dernier, c'est ? Alors, je vais répéter. Charles Manson, oui. Ed Kemper, Dennis Rader ou Ted Bundy ? J'ai un doute entre Bundy et Rader, hein, parce que je crois qu'il y a un petit gène. Alors, j'ai des petites informations à te donner sur les tueurs en série, mais si je te les donne maintenant, ça devrait t'aider. Je vais dire Rader, mais je suis pas sûre. Ouais, je valide ça. Donc, il ne rencontre pas Dennis Rader, c'est ça ? J'hésite, là, j'hésite. On a la combientième question ? La dixième. Oh, je vais utiliser mon joker. Lequel ? Ah, je vais faire l'appel à un ami. D'accord, ouais, très bien. Je vais appeler Yoho, parce que je suis quasiment sûre qu'elle va savoir, en fait. C'est aussi une fan des trucs comme moi, un peu glauque et tout. Et comme j'ai un doute, d'accord, très bien. On va voir avec elle. Ok. Alors, je prépare, je vais te montrer le texte pendant ce temps-là. Allô ? Salut Yoho, c'est Fanny. Salut. Ça va ? Oui, et toi ? Oui, ça va, super. Écoute, j'ai un petit souci, là, je t'appelle, on est en train de faire notre grande finale, tu sais, aujourd'hui ? Oui. Et je suis en train de bloquer sur une question, et c'est sur les tueurs en série. D'accord. Donc, je me dis que tu vas pouvoir m'aider. Je vais essayer. Bah, j'espère. Alors, quel tueur en série n'apparaît pas dans la série Mindhunter ? Est-ce que c'est Charles Manson ? Est-ce que c'est Ed Kemper ? Est-ce que c'est Dennis Rader ? Ou est-ce que c'est Ted Bundy ? Écoute, je n'ai pas vu Manhunter. Oh non ! Je suis désolée. Oh là là. Bon. Je sais qu'il y a Ted Bundy dedans. Ouais, moi aussi. Je sais aussi qu'il y a Manson. Ça, j'en suis quasiment sûre. J'hésitais avec Dennis Rader, moi, tu vois. Ben, c'est ce que je t'aurais dit d'instinct, mais j'ai un doute sur Charles Manson. Ouais, t'as un doute sur Charles Manson, parce qu'après, ils ont fait une émission spéciale Netflix, sur Charles Manson. Ouais. Ah là là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait Charles Manson, du coup ? Ou Rader ? Ben écoute, mon premier instinct, c'était pas Charles Manson. Par Charles Manson. Bon bah, et c'est quoi ? On va suivre ton instinct. Charles Manson. Est-ce que c'est la bonne réponse, Julien ? Est-ce que vous validez ? On valide ou pas ? On n'a pas le choix, de toute façon. Ouais, allez hop, on valide. Alors, c'est une mauvaise réponse, je suis désolée. C'était Ted Bundy. On voit bien Charles Manson dans la série. C'était Ted Bundy, en fait. Il n'est pas dedans. Ah non, j'étais sûre, punaise. Ouais, tu vois, il n'est pas dans Mindhunter, quoi. Bah écoute, je vais aller rattraper tout de suite mon retard sur la série. Et bah c'est pas grave. Du coup, merci beaucoup d'avoir décroché et d'avoir participé à notre petit quiz. Et c'était sympa. Désolée de pas avoir eu la bonne réponse. Ouais, mais c'est pas grave, Yoho. À bientôt. Ciao, à bientôt. Bisous. Et bon, donc, c'était bien. Alors, tu sais que vous m'avez mis un doute là, je vais quand même aller vérifier mes réponses, mais je crois. Non, Charles Manson, on le voit bien. Et c'est oui, même, c'est vrai qu'il saute sur la table à un moment et qu'il s'approche en fait. Donc oui, Charles Manson, ouais. Et tu vois, moi j'hésitais entre Rader et Alors, Dennis Rader, on l'appelle BTK, Blind Torture Kill. Il y est, lui. Ed Kemper, c'est un serial killer nécrophile. Et en plus, il fait 2 mètres, Kemper, donc on sait très bien qu'il est dans Mindhunter. C'est ça. Mais oui, en plus, Ted Bundy, ils ont fait... En plus, je l'ai... Bah, punaise, en plus, j'ai dit... Ils ont fait des émissions Netflix sur Ted Bundy, entre autres avec Zac Efron, qui joue très très bien. C'est ça, Ted c'est vrai Bundy. Que c'est sorti à peu près au niveau au même moment. Et Charles Manson, oui, parce que c'est... En plus, le même acteur qui joue dans le film, qui joue même, encore une fois, Charles Manson dans le film... Once Upon a Time in Hollywood avec Brad Pitt et DiCaprio. Exactement. De Tarantino. Bon, ben voilà, j'ai pas eu le point. C'est pas grave. L'important étant de participer. C'est ça. Voilà. Ouais, j'ai pas eu mon point. Dans Ally McBeal, pour ma 11e. Oui. Dans quelle ville se passe l'histoire ? Est-ce que c'est New York ? Est-ce que c'est Boston ? Est-ce que c'est Chicago ? Ou c'est Houston ? D'accord. Tu connais la réponse, c'est ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans Ally McBeal, dans quelle ville se passe l'histoire ? Donc on répète, hein, c'est un cabinet d'avocat un petit peu barré, en fait. Ouais, je vois, voilà. Avec Billy. Tout à fait. Je me rappelle. Dans Ally McBeal, dans quelle ville se passe l'histoire ? Est-ce que c'est New York ? Est-ce que c'est Boston ? Est-ce que c'est Chicago ? Ou est-ce que c'est Houston ? Alors, je pense pas que ça soit Houston. Alors, tu vois, là, j'hésite entre Chicago et New York. Ne fais pas un 50-50 parce que je vais te donner Chicago et New oui, York. Mais j'aurais même pas dû le dire et je vais peut-être pas appeler PM pour ça non plus. En plus, mon 50-50, j'ai déjà utilisé. Si je... Ah oui, c'est vrai. Si je demande une loupe, est-ce que tu pourras me faire quelque chose ou pas ? Ah bah non, là, je comme vais... ça va être compliqué. Bah ouais. Et bah écoute, j'ai envie de te dire Chicago. Est-ce que c'est ton dernier mot ? Bah oui. Ok, bon bah c'était Boston. D'accord, ok, très bien. Je suis désolée. C'est un peu plus dur, hein. On a l'impression que c'est facile comme ça, mais c'est des petits détails des fois de série qui font toute la différence. Ouais, j'avoue que... Ouais. Pourtant, t'avais un coffret DVD ou même une cassette vidéo. Non, j'avais quelques cassettes. Ouais, t'avais quelques cassettes d'Ally McBeal. Oui, ouais, c'est vrai. Ne rougis pas, Bibou. Non, je rougis pas, c'est bon. À toi, mon Bibou. Alors, 11e question. Comment s'appellent les voisins de Denis Lamalice ? Est-ce que c'est Walter et Bridget Thompson ? Est-ce que c'est George et Martha Wilson ? Est-ce que c'est Devin et Kellen Gamble ou est-ce que c'est Robert et Joanne Stanton ? C'est joli, t'as bien trouvé des bons noms de famille, c'est pas mal. Bonjour monsieur, il manquerait presque les Kimble pour bon monsieur Kimble, ça aurait été sympa ah oui, à la place. J'avais Gamble, mais oui. Gamble, Kimble. Donc les voisins de Denis Lamalice, c'est monsieur et madame Wilson. George et Martha Wilson, exactement. C'est une très très bonne réponse. Monsieur Wilson. Ah oui, comme ça, ça semble assez évident quoi. Ouais, bien joué. Oh, je suis à 6, on se rapproche de l'égalité. Alors tu es à 6, je suis à 7, c'est ça ? On se rapproche de l'égalité. Oui, bah c'est bon. Je vais faire la danse de l'égalité bientôt. Alors, allez. Ma 12e question dans Terminator, le jugement dernier. Quand a lieu la victoire de la résistance sur les machines ? Parce que la dernière fois, tu m'as posé une question dans la question cinéma, dans le quiz cinéma. Quand avait lieu l'holocauste nucléaire ? C'est ça. Exactement. Donc il y a bien lieu effectivement le 29 août 97, mais la résistance, quand a lieu la victoire de la résistance ? Est-ce que c'est 2029 ? Est-ce que c'est 2030 ? Est-ce que c'est 2031 ? Ou est-ce que c'est 2028 ? J'en rappelle à ta mémoire. Alors répète-moi s'il te plaît juste les dates comme ça. 29, 30, 31 ou 28 ? Ou 28, 29, 30, 31 ? J'ai envie de te dire 28. Tu veux me dire 28 ? Est-ce que tu veux me le dire, mais est-ce que tu le valides ? Je veux, mais je le fais pas encore. Ah oui, tu le fais pas encore. Non, je vais valider 28. Tu valides en fait, 28, ouais. D'accord, ouais. Ok. Non, c'était en 2029 qu'il y a eu la victoire de la résistance sur les machines. Bon, bah tant pis. Bah tant pis. Très belle question, en tout cas. Merci. Alors, dans Dr. House, Gregory House boite en raison d'une douleur chronique, mais due à quoi ? Est-ce que c'est dû à un infarctus du muscle de la cuisse ? À un éclat d'obus au Vietnam ? Un accident de moto ou la malaria quand il était médecin du monde à Bombay en Inde. Ah, tu me regardes là, je t'ai mis un doute, c'est ça ? Ouais, j'hésite entre l'accident de moto et la première, c'était quoi ? Alors, je vais le répéter. Ouais, je vois bien. Alors, un infarctus du muscle de la cuisse, un éclat d'obus au Vietnam, un accident de moto ou la malaria quand il était médecin du monde à Bombay en Inde. Un infarctus du muscle ? Je suis pas médecin, mais ça me paraît tellement gros. Tu sais quoi, je vais prendre la A. Je crois que c'est une maladie du muscle ou un truc comme ça. J'en sais rien, moi. Je sais pas, ouais. Je sais. J'ai dû voir. Oh, j'en sais rien. Je peux utiliser un joker. Non. Il traite comment, joker? 50-50. Ah oui. Mais non. C'est quoi, je vais prendre la 1. Et je valide. Infarctus du muscle de l'utérus. C'est une très bonne réponse. Oui. Alors, je sais pas ce que c'est, mais j'ai trouvé ça sur internet. Écoute, vu comment il est. Je sais pas si t'avais déjà vu l'épisode où tu vois sa cuisse qui est complètement. Tu vois le muscle de la cuisse, le muscle extérieur qui est complètement atrophié en fait, comme s'il était tout contracté. Bon, bien joué, on est à égalité, ouais. Je crois. Égalité, danse de l'égalité. Tu vas faire ça à chaque fois quand même. Non. Alors, ma 13e question. Dans The Big Bang Theory, Sheldon et Amy ont une émission sur le net. Comment s'appelle-t-elle? Est-ce que c'est Dumb with Tag, Fun with Flag, Flag with Fun, ou est-ce que c'est Tag with Fun? Alors, Sheldon et Amy ont une émission qu'ils diffusent sur le net. Mm-hmm. Comment s'appelle-t-elle? Est-ce que c'est Dumb with Tag, Fun with Flag, Flag with Fun, ou Tag with Fun? Alors, c'est une émission sur les drapeaux. Tout à fait. Et je pense que j'ai la réponse, je pense que c'est Fun in Flag. Fun with Flag. With Flag. Ok, oui. Et c'est une très bonne réponse. Cool. Quand même. Sur les drapeaux. Je ne chante pas et je ne fais aucune danse, moi. Sur les drapeaux et leurs origines, exactement. D'accord. Et je prends la main. Et prends la main. Et je pose ma 13e question. Quel artiste n'apparaît pas dans les Blues Brothers? Je sais pas pourquoi, j'en étais quasiment sûre que tu allais me faire une question sur les Blues Brothers. Pourquoi? Je sais pas. Ah oui? Ouais. D'accord. Alors, quel artiste n'apparaît pas dans les Blues Brothers? Est-ce que c'est Cab Calloway, John Lee Hooker, Ray Charles ou Robert Johnson? Alors, spontanément, j'aurais dit le premier, Cab Calloway. Je vais les répéter. Je veux bien. Cab Calloway, John Lee Hooker, Ray Charles ou Robert Johnson? Je vais prendre la dernière, Robert Johnson. Et je valide. Tu valides? Oui. C'est effectivement Robert Johnson. Yes. Très bonne réponse. Je te talonne là. Robert Johnson, en fait, c'était un personnage qu'on voit dans le film O Brother. C'est le fameux bluesman qui est connu pour soi-disant avoir vendu son âme au diable pour pouvoir jouer de la guitare. Donc voilà, bien joué. Bien joué à toi pour toutes ces petites recherches, Bibou, franchement. Et nous retournons à égalité. Oui. Non, je ne ferai pas encore la danse de l'égalité. Non. Dans Big, de 1988, comment s'appelle la machine qui transforme Josh, qui a 12 ans, en homme de 30 ans durant la fête foraine? D'accord. Est-ce que c'est Moltar? Moltar. Est-ce que c'est Poltar? Est-ce que c'est Foltar? Ou est-ce que c'est Zoltar? Oula. Zoltar, Foltar, Moltar ou Poltar? Tu vois très bien cette scène. Et parfaitement, Big, bien sûr. Je sais très bien que Big, tu le connais par cœur. Embrouillé. J'ai failli te faire une question sur Billy Billy Billy Crack, mais je me suis dit que ça, tu connaissais par cœur. Ouais. Donc, J'ai envie de dire Zoltar. Est-ce que tu valides Zoltar? Je valide Zoltar. Mais ta mémoire est bonne, c'est bien Zoltar, Bibou. Bien joué. Mais t'étais quand même à deux doigts de m'embrouiller avec toutes les réponses. Ouais. Zoltar, Foltar, Moltar et Poltar. Ok. Ah bah oui, quand même. Peu d'embrouille quand même. Mais c'est bien. Mais oui. C'est très bien. Mais oui. Question numéro 14. Dans Misery, tiré du film du bouquin de Stephen King. Tout à fait. Annie Wickles, donc interprétée par Kathy Bates, retient en otage Paul Sheldon, interprété par James Caan, et le force à écrire le dernier livre de sa grande saga Misery. Mais quel est son titre? Est-ce que c'est Misery pour toujours? Est-ce que c'est le dernier jour de Misery? Est-ce que c'est le retour de Misery ou est-ce que c'est Misery Never Dies? Alors, je sais que dans le... l'écrivain, normalement, a Paul tué... Paul Sheldon, oui. Ouais, Paul Sheldon, il a tué Misery et c'est ça qui va rendre Amy complètement folle. C'est ça, ouais, exactement. Et donc, du coup, c'est entre les deux dernières. Alors, tu as dit Misery Never Dies ou le retour de Misery. Et ce sera le retour de Misery et je valide. Très très bonne réponse, bien joué. Ah, on me la fait pas quand même sur Misery, quoi. Grande fan de Kathy Bates et de Stephen King aussi. Bien sûr. Oui, je suis contente. j'ai eu Misery. Mais là, tu sais qu'on est à 9 tous les deux en fait. Là. Ouais, c'est ça, on se talonne. Exactement. Dans The Big Little Lies de 2017. Oui. Donc il y a deux saisons sur cette série HBO. D'accord. Comment s'appelle le personnage interprété par Reese Witherspoon, actrice que l'on apprécie beaucoup à Bien la sûr, maison ouais. Est-ce que c'est Céleste ? Est-ce que c'est Jane ? Est-ce que c'est Madeline ? Ou est-ce que c'est Bonnie ? Ok. Dans Big Little Lies, oui. Qui raconte l'histoire et les tumultes de femmes au foyer, un petit peu comme Desperate, mais pas filmé de la même manière et tourné pareil. Comment s'appelle le personnage interprété par Reese Witherspoon ? Est-ce que c'est Céleste, Jane, Madeline ou Bonnie ? Alors Céleste, je ne pense pas. Je pense que c'est... Le dernier, c'était Bonnie, c'est ça ? Tout à fait. Je vais dire Bonnie et valider Bonnie. Tu valides Bonnie ? Oui. Alors, Bonnie est interprétée par Zoe Kravitz. D'accord. Okay. Jane est interprétée par Shailene Woodley. Céleste est interprétée par Nicole Kidman. Et c'est en fait, Reese Witherspoon interprète Madeline. D'accord. Bon, bah ok. Voilà. Tant pis. Le point, piou, envolé. Ok. Ok. T'es pas obligé de faire ça. Si, ça, je, sais, si je sais que ça t'énerve en fait. Ça roule. J'ai une question qui va être un petit peu longue. Sur la 14e là ? Moi je suis sur la 15e là. Ah oui, c'est ta 15e. Celle qui t'a bien pris la tête l'autre jour, tu m'as dit il faut pas me déranger parce qu'elle est longue. Ouais, m'embête pas là. M'embête pas. Ouais, ouais. Il faudra bien que t'écoutes parce que c'est long. C'est ça. D'accord, j'écoute. Je vais éviter de le répéter parce que la question va déjà être assez longue comme okay. ça. Ok, bon, on y va. Dans Mad Men, Megan Draper, la deuxième fan de Don Draper, va lui interpréter une chanson pendant une soirée qui va le mettre très très mal à l'aise. Quelles sont les quatre premières phrases du premier couplet de Zou bisou bisou? En plus, je te la mets souvent, celle-là. Tu me la mets souvent et tu me la chantes très souvent. Ouais, parce que je sais qu'elle met mal à l'aise, celle-là. C'est D'accord. pas qu'elle met mal à l'aise, c'est plutôt l'interprétation, en fait, de Oui, mais de que cette elle, scène, elle en fait, quoi. Ouais, ouais, ouais, devant tous ses amis oui. de la boîte, en bah, fait. Surtout de en petite robe, petite mini-jupe et tout. Donc, évidemment, la chanson commence par Zou bisou bisou bisou bisou. Mais le premier couplet, est-ce que c'est « Je pense à toi ». Souvent, je crois t'entendre me dire que chez toi, c'est aussi chez moi. Ou le bonheur frappe à la porte, allez-y. Le bonheur frappe à la porte, allez-y. Je lui ouvrirai peut-être. Demain, il pourrait disparaître, allez-y. Ou dans les buissons sous le ciel du mois d'août, les amoureux glissent à pas de loup. Comme les oiseaux, ils ont rendez-vous. On l'entend partout. Ou, dernière proposition, il est des mots qu'on peut penser, mais pas à dire en société. Moi, je me fous de la société et de sa prétendue moralité. Alors, vu que la chanson tourne très souvent, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup cette chanson, en fait. Ouais. Et c'est « Dans les buissons ». Donc c'est la troisième proposition, dans les buissons sous dans le ciel. Dans les buissons sous le ciel. C'est ça. Une très très bonne réponse. Oui. Et j'ai un petit truc à te proposer, vu que t'es assez motivé pour chanter. Non. Zou bisou. Est-ce que ça bisou. Te dirait de l'interpréter non, pas du au tout. Micro là maintenant? Non. C'est vrai, tu deviens toute rouge. Ouais. Alors c'est un peu dommage que j'ai préparé non. tout le texte. C'est pas vrai. Ah, ce sera moins gênant qu'elle qui chante en mini, je lui pense au cœur. Écoute, tu me la chantes tout le temps. Je vois pas ouais. pourquoi nos auditeurs ne pourraient pas en profiter. Je vais te demander d'augmenter un tout petit peu le son du volume du PC. Ici, ouais. voilà, D'accord. c'est comme ça. Ah oui, c'est pas évident. Alors, tu sais que j'ai préparé aussi mon petit texte. Je vais la chanter avec toi. Ah, ça c'est trop bien. Ça te va ou pas? Ah bah carrément. Allez, zou bisou bisou. Oh, depuis le temps qu'on la chante. Carrément. Alors, ça commence assez brutalement. Oui, je sais, c'est crescendo, quoi. C'est bon ? Allez, on y va. Allez. 1, 2, 3, 4. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zou, zoubi, zou. Mon Dieu, qu'ils sont doux. Mon bibou. Zou bisou bisou pour mon bibou. Zou bisou bisou. Zou bisou bisou. Zou bisou. Zou bisou. Le bruit des bisous. Et donc voilà. Dans les buissons sous le ciel du mois d'août, les amoureux glissent à pas de loup. Ah oui. Comme les oiseaux, ils ont rendez-vous. On l'entend partout. bah écoute, voilà. Zoubizou, bisou, pour mon bibou. Zoubizou, bisou, zoubizou, zoubizou. Merci. Mon Dieu, qu'ils sont doux. Rien que pour toi, mon bibou. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup, c'était ça la fameuse petite surprise que je te prévoyais. Eh ben franchement, ça claque, mais cool. Je m'y attendais pas. J'ai chaud. Je sais, t'es toute rouge. C'est nickel. Toi aussi. C'est ce que je voulais. Ah, bien joué. Donc juste pour finir, les trois autres propositions, je pense à toi, souvent je crois t'entendre, c'était la chanson « Je pense à toi » de Michel Delpech. « Le bonheur frappe à la porte, allez-y », c'était aussi Michel Delpech, « Le bonheur frappe à la porte ». Ah, t'as pris que du Delpech presque en fait. Et la dernière, c'est quoi? Et la dernière, il est des mots qu'on peut penser mais pas à dire en société. C'était Michel Polnareff, ah, « L'amour Polnareff. Avec toi ». C'est joli, ça. Joli. Effectivement, donc, elle a dû te demander beaucoup de temps. En plus, tu as réécrit les paroles à côté, donc bravo. Ouais, et puis il fallait que j'envisage le fait que j'allais chanter pendant l'émission. Mais c'est cool. Franchement, bravo. Ok, cool. Bravo. Encore une fois, un côté de toi que tout le monde découvre, en fait, d'accord. À chaque fois. À chaque petite émission comme ça. Tu sais que je passerai ça. Un peu plus ma voix que la tienne pendant le montage. Non, je pense pas. En tout cas, bravo. Ah, bah du coup, moi, c'est complètement pourri à côté. Moi, j'ai rien préparé de trucs comme ça, moi. Mais c'est pas grave, okay. Mais je chanterai qu'une seule fois pendant l'émission. Bon, j'y vais pour ma 16e question. Allez. Dans le film La Haine de 1995, réalisé par Mathieu Kassovitz, oui. Où se déroule le film où a lieu justement la bavure sur Abdel? D'accord. Est-ce que c'est la cité des roses? Est-ce que c'est la cité des tulipes? Est-ce que c'est la cité des muguets? Du muguet, pardon. Ou est-ce que c'est la cité des tournesols? Oula, ok. Comment s'appelle le nom de la cité où se déroule le film? La cité des roses, la cité des tulipes, la cité du muguet ou la cité des tournesols? Alors, je pense que c'est pas la première ni la dernière. Rose et tournesol, donc on vire. C'est ça. Il te reste tulipe et muguet. Tulipe et muguet. Alors, j'ai relu un article il n'y a pas longtemps sur La Haine, parce que je crois que c'est les 25 ans du film, là. Et je crois que c'est muguet. Est-ce que tu valides Muguet? Et je vais valider Muguet. Et c'est une très bonne réponse, c'est bien la cité des Muguets, exactement. Cool. Je crois qu'on est à égalité à 10 partout, c'est ça, si je ne me trompe pas. Eh ben oui, on est 10 partout, tu viens de nous mettre à égalité. D'accord. J'avais eu un super point sur Zoubizoubizou. Oh là là. Tu veux pas me la rechanter? Je vais pas, non, mais je ne m'en remettrai pas de ça. Déjà, j'ai mis du temps à me remettre de Carson, alors t'imagines. Ça va quand même. À ton tour pour la 16e. 16e question. Dans Poltergeist, quel métier exerce Stephen Frelling, le père de famille? Est-ce qu'il est scénariste? Est-ce qu'il est graphiste pour la publicité? Est-ce qu'il est agent immobilier? Ou est-ce qu'il est producteur de la télé locale? Alors je vais te laisser redonner les Bien propositions. Sûr. Est-ce qu'il est scénariste? Est-ce qu'il est graphiste pour la pub? Est-ce qu'il est agent immobilier? Ou est-ce qu'il est producteur de la télé locale? D'instinct, j'aurais dit scénariste, et puis en réécoutant les propositions... Je vais rester sur scénariste. Scénariste? Ouais, et je valide. C'est une mauvaise réponse, il est agent immobilier. Agent immobilier, bon bah voilà. Et comme tu quoi... le vois, là, au début du film, il est en train de construire tout un complexe de... C'est ça, toute mais une grosse pensais... résidence, ouais. Je savais pas que c'était lui qui était... Ah, j'ai confondu, m'énerve. C'est pas grave, ça? Non, c'est pas grave. Mais non. Comment doit être... Alors ça, c'est ma 17e question. Comment doit être une poignée de main? D'après Ron Swanson, dans Parks and Recreation, on retrouve cette info sur la pyramide de la réussite. D'accord. Comment doit être une poignée de main? Est-ce qu'elle doit être, petit a, ferme, sèche et solide, 3 secondes, ferme et solide, 2 secondes, ou ferme, 1 seconde, ou, dernière proposition, le reflet de l'estime que tu portes à celui dont tu serres la main? Ah, les quatre ressemblent tellement à Ron. Comment doit être une poignée de main d'après Ron Swanson? Ferme, sèche et solide, 3 secondes. Ferme et solide, 2 secondes. Ferme, 1 seconde. Le reflet de l'estime que tu portes à celui dont tu serres la main. Est-ce que tu aurais pu inventer la dernière? Oui, complètement. Je ne suis pas à la hauteur de Ron Swanson. Non, mais... Ah, la dernière est tellement bien, je vais te dire la dernière en fait. Donc pour Ron Swanson, oui. La poignée de main doit être le reflet de l'estime que tu portes à celui dont tu serres la main. C'est ça, et je vais valider. Eh ben non, je l'ai inventé. Donc c'est inventé, bien que bien tu joué, me compares à Ron Swanson. Non, une poignée de main, d'après Ron Swanson, doit être ferme, sèche et solide. 3 secondes, pas plus. 3 secondes. Bon, en tout cas, bien joué pour... C'est bien, je ressemble à Ron Swanson. Eh ben, pas de points pour le bibou. Non, il s'est encore envolé, celui-là. Oui. Dans le paradis des petits points perdus. C'est ça. Non. Oh non. 17e question pour moi. Dans Irresponsable. Ah bah tiens. Julien, 31 ans, revient vivre chez sa mère Sylvie dans sa ville natale de... Chaville. Montreuil. Ici les Moulineaux. Ou Puteaux. Et là, j'ai vu ta tête... Bah, comme j'ai fait des recherches sur Irresponsable, si je me plante ça dessus, ça craint. Ah, je pensais que tu avais la même question et la même réponse. Non, mais tu sais, ma première question était d'ailleurs sur Irresponsable. Oui, tout à fait. Donc, je vais te laisser redonner les réponses. Où habite Julien dans Irresponsable ? Alors, Chaville, Montreuil, ici les Moulineaux ou Puteaux ? Eh bien, ce sera Chaville. Et je valide. Très, très bonne réponse. Et c'est une très, très bonne série. Regardez-la, série française. Sébastien Chassagne est vraiment excellent. Et toute son équipe, d'ailleurs. Frédéric Rosset, c'est un acteur incroyable. Ouais, vraiment, c'est une super série. Vous avez passé vraiment un très, très bon moment. Eh bien, très, très bien joué. Oui, je suis à 11. Oui. Tu vois, si t'avais pas perdu ton petit point qui s'envole, ben, tu serais à 11 aussi. Bah oui, mais je suis pas parfait non plus. Hein. Non, je suis tout parfait. Ben oui. Dans Basic Instinct, 1992... Où se déroule le film ? Là où a lieu l'enquête de Nick Curran, interprété par Michael Douglas. Est-ce que c'est San Francisco ? Est-ce que c'est Los Angeles ? Est-ce que c'est New York ? Ou est-ce que c'est Miami ? Où a lieu l'intrigue et l'enquête de Nick Curran, interprété par Michael Douglas dans Basic Instinct ? San Francisco, Los Angeles, New York ou Miami ? Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film. Ah bah oui, moi aussi. Mais je vois des palmiers dans le film. Tu vois des palmiers ? Donc, potentiellement Miami, voire San Francisco. Les deux autres, tu m'as dit, c'est New York. Il y a Los Angeles et New York, effectivement. Ouais. Ah oui, Los Angeles, il y a aussi des palmiers. Et je crois qu'à New York, si tu cherches bien, il doit y avoir des palmiers aussi. Oui, c'est peut-être pas la ville. Ouais. Pas prévu pour, mais... J'ai pas d'image comme ça en tête de la ville. Qu'est-ce qui me reste comme... Alors, il doit te rester l'appel à un ami. Je vais peut-être le garder un petit peu celui-là. On est à 18. Ouais, donc il reste quand même 12 questions. La loupe, si je te demande ça, tu me feras un 50-50 ? Ou est-ce que tu peux m'inventer comme ça, là ? Bon, écoute, dans tous les cas, je vais le prendre. La loupe ? Je prends la loupe. Ouais. Ok. Bon, alors moi, je te fais un 50-50, parce qu'effectivement, là, je. Je me remets de mes émotions. Ah oui, mais ça marche. Et du coup, je te laisse San Francisco et Miami. Est-ce que c'est une ville qui est en pente dans le film ? J'en ai aucune idée. Eh bien, je vais dire San Francisco et je vais valider. Et tu valides. Et tu as bien fait de suivre ton instinct. C'est un bon point, Bibou. Cool. Tout le film a bien lieu à San Francisco. Ça monte, ça descend. Et il y a aussi des palmiers. Okay. Mais on voit surtout aussi ce fameux... Golden Gate aussi en fond souvent dans les plans de Basic Instinct. D'accord. Mais ouais. Bon bah cool. C'est vrai que si on reste fixé sur Sharon Stone, on voit plus trop les fonds d'écran quoi. Oui. Et ben je crois qu'on est passé à 11 partout il me semble. Eh oui, nous revoilà à égalité. Tandis que revoilà l'égalité. Alors, question numéro 18. Dans The Social Network de David Fincher, qui conseille à Mark Zuckerberg d'enlever le The devant Facebook ? Tu remets la scène ? Ouais, je remets la scène. Est-ce que c'est Peter Thiel, le créateur de PayPal ? Est-ce que c'est Sean Parker, le créateur de Napster ? Est-ce que c'est Jean-Baptiste Kampf, le créateur de VLC ? Ou est-ce que c'est Daniel Marelli, le créateur de Deezer ? Tout de suite, d'instinct, j'aurais dit Napster. Est-ce que tu veux que je répète ? Ouais, je veux bien. Alors, Peter Thiel, PayPal. Ouais. Ou Sean Parker, Napster. Ouais. Jean-Baptiste Kampf. Pour VLC, ou Daniel Marelli, créateur de Deezer. Je vais rester sur Napster et je valide. Tu valides ? Ouais. C'est une très bonne réponse, Sean Parker, qui doit être Napster. Interprété par Justin Timberlake. Donc, je me souviens de la scène où il dit, ça sonne quand même mieux, Napster, que The Napster. Le. Ouais, The Facebook. The. Bah, très bien, ok. Et donc, me voilà à 12. De quelle origine, donc ça c'est ma 19e question, oui. De quelle origine est la série Stalk, sortie en 2020? Est-ce qu'elle est américaine? Est-ce qu'elle est anglaise? Est-ce qu'elle est française? Ou est-ce qu'elle est allemande? Okay. De quelle origine est la série Stalk? Eh bien, elle est française. Tu valides française? Je valide française. Et c'est une très bonne réponse. Et il y a même la fille Carmen Kassovitz qui joue dedans. Stalker, on répète, hein, c'est prendre possession d'un appareil et avoir les données de quelqu'un, en fait. Stalker quelqu'un, c'est prendre possession, en fait, de... C'est l'espionner, en fait. L'espionner, mais via ses outils, comme l'ordinateur, la webcam ou son téléphone, et prendre possession de sa vie privée via ses outils, c'est ça. En fait. Et d'ailleurs, je crois que c'est le petit Hernandez, l'acteur qui joue dans Irresponsable. Tout à fait. Oui, je crois qu'il est dedans. Et tu revois là, ça y est, tu revois là, 12. Voilà, 12 comme toi. Eh ben, dis donc. Mais j'en ai fait des faciles aussi. Oui. Oui. Alors, 19e question. Dans Fringe... Pour quelle raison le docteur Walter Bishop se voit interné pendant 17 ans en hôpital psychiatrique? Il a fait disparaître un singe définitivement lors d'une téléportation. Son assistante est tuée lors de l'incendie de son labo. Il envoie par erreur le directeur de l'université en 1932 grâce à une machine à voyager dans le temps. Ou il transforme une vache en un tigre du Bengale. Est-ce que tu peux me répéter les deux premières? Est-ce que tu veux que je répète les quatre? Bon, répète les quatre. Alors, il fait disparaître un singe lors d'une téléportation. Son assistante est tuée lors de l'incendie de son labo. Ah voilà, c'est ça. C'est la deuxième. Tu valides la deuxième? Et je valide la deuxième, ouais. D'accord. L'incendie. C'est ça, c'est une très bonne réponse. Ouais. Ok. Ouais, je suis contente. Parce que la téléportation, le singe, ça, si tu me la fais pas, c'est dans la mouche. Ah, tu sais, Fringe, tout est à moitié possible, en fait. Il y a tellement Oui, mais la mouche, ça, c'est avec le téléporteur. Oui, je ça, sais. C'est oui. Une scène de la mouche tu très pas, bien connue. Oui, j'ai compris. Oui. Après, la machine à voyager dans le temps, ils en font pas trop, en fait, dans Fringe. Alors, il y a une histoire dans un épisode où j'ai... Il y a une machine à voyager dans le temps. D'accord. Ouais, je sais plus trop. Moi, je suis pas allé jusqu'à la fin de Fringe, en fait, quoi. Ce serait peut-être bien que je le... Qu'on finisse, quand même. Qu'on finisse un jour, quoi. Ouais. Bien joué, Bibou. Et me voilà à 13. Et te voilà à 13. J'ai pas noté ton petit point. Bah oui, point. Alors, ma 20e question. Dans Little Miss Sunshine, un film de 2006, le film parle donc d'une famille qui va emmener sa fille Olive, qui a 7 ans et qui rêve de participer à un concours de beauté auquel elle a été sélectionnée. Et du coup, ils doivent traverser l'Amérique pendant 3 jours de voyage. D'accord. Mais comment s'appelle cette famille? Ah oui. Est-ce que c'est la famille Tuller, Hoover, Shaker ou Porter? Comment s'appelle la famille qui va traverser les États-Unis pendant 3 jours dans Little Miss Sunshine, excusez-moi. Tuller, Hoover, Shaker ou Porter? J'en ai aucune idée. Bah bébé, bah bibou. De quoi? Little Miss Sunshine. Bah comment tu veux que je sache comme ça? Ouais, c'est vrai. C'est un bout de temps que j'ai pas vu de film, en fait. Allez, je vais dire Tuller, je vais valider Tuller. Tu valides Tuller? Ouais. Et c'était Hoover, comme les aspirateurs. Oui, enfin, ça m'aide pas... Bah non, je sais bien, mais je pensais que tu t'en souvenais. Non, pas fait. Du tout, absolument bon, pas. Bah, écoute, non. C'est pas grave. Encore un qui part au paradis, des points perdus. Eh oui, un de plus. Un de plus. Eh ben, je passe à mes questions numéro 20. Tout à fait. Dans quel film il est question d'une main gauche coupée? Je dis bien gauche et pas droite. Tout à fait. Ash dans Evil Dead, le capitaine Crochet dans Hook, la chose de la famille Adams ou la main dans La main qui tue? Alors la chose dans la famille Adams, c'est direct la main droite, avec le pouce. Ok. Alors, je répète les trois autres. Il y a Evil Dead, Ash dans Evil Hook. Dead, Capitaine Crochet dans Hook ou La main dans La main qui tue. Et tu sais que pendant que tu me posais la question, avant que tu me donnes tes propositions, je cherchais une main gauche et pour moi, c'est La main qui tue. Tu penses? Allez, je valide La main qui tue. Et c'est une mauvaise... C'est une mauvaise réponse, voilà. C'était le Capitaine Crochet dans Hook. Ah, punaise. C'est le seul qui a une main gauche coupée. Là, on voit bien en plus qu'il écrit avec la main droite, ça m'énerve. Et puis on voit, je crois qu'à un moment, il tire et il se sert de sa main... sa main droite pour... ouais, enfin bref. Ah, ça m'énerve. C'est une mauvaise réponse, je suis désolé, mon la amour. La main qui tue est donc une main droite. C'est une main droite, ouais. Ah, j'ai regardé plein de trailers pour ça, ça m'a... c'était un peu chiant. Oui. Mais ouais. C'est pas un film que j'affectionne particulièrement. Mais pas terrible en plus. Non, pas du tout. Alors là, je vais faire une petite question sur une série qui date un petit peu, mais ça fait travailler aussi un petit peu la mémoire et aussi tous les... et toutes les auditeurs et auditrices. D'accord. Dans Ma sorcière bien-aimée, comment s'appelle la sorcière dont parle la série ? Est-ce qu'elle s'appelle Samantha ? Est-ce qu'elle s'appelle Andora ? Est-ce qu'elle s'appelle Tabata ? Est-ce qu'elle s'appelle Johanna ? Comment s'appelle la sorcière dont parle la série ? Est-ce qu'elle s'appelle Samantha, Andora, Tabata ou Johanna ? Donc on parle bien de la sorcière héroïne qui fait son truc avec le Celle qui est mariée avec Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre. Le moldu, tu sais. Ouais, ouais. Celui qui n'a pas de pouvoir, en fait. Oui, oui, tout à fait, ouais. Le moldu. Écoute, je vais appeler un ami. Tu vas appeler un ami ? J'en ai occasion. Alors je regardais ça quand j'étais petit avec ma mère, je sais, mais là... Mais t'as un doute, hein. Parce que je sais qu'il y a une sorcière qui s'appelle Samantha, mais ça vient peut-être d'une autre série. Dans La sorcière bien-aimée, comment s'appelle la sorcière dont parle la série ? Donc il y a Samantha, Andora, Tabata ou Johanna. Eh ben, je vais appeler PM, écoute. Eh ben, écoute, pas de soucis. Allô ? Ouais, PM ? Ouais, ça va ? Ça va et toi ? Mais ça va. Écoute, j'ai Fanny. Hein ? Pardon ? Non, je dis c'est l'instant fatidique de la question. Ah ouais, j'ai Fanny qui essaie de me piéger sur une petite question. Ouais. Sur une vieille série, est-ce que tu pourras peut-être m'aider ? Ouah, on va essayer, ouais. Alors, dans Ma sorcière bien-aimée. Ouais. Comment s'appelle la sorcière ? Est-ce qu'elle s'appelle Samantha, Andora, Tabata ou Johanna ? Andora, je crois que c'est la mère, la rousse. D'accord. Alors, j'ai dit Andora ou Tabata, c'est Andora, je pense. C'est. Attends, vas-y, redis-moi. Alors, Tabata ou. Samantha. Le premier, Samantha. Toi, tu dirais Samantha. Ouais. Est-ce que vous validez Samantha ? Je vais te faire confiance, mon pote. Est-ce que tu valides la réponse ? Oh, cette pression. Oui, je valide la réponse. Alors, on va valider Samantha. Et c'est une très très bonne réponse, effectivement. Samantha, donc c'est bien la sorcière. C'était bien Samantha, merci beaucoup. Ah, bah, avec plaisir. Bon, ça va sinon ? Cette pression. Ça va, super, ça va super. En pleine chaleur. Ouais. On a oublié de faire ça tout à l'heure. Ouais, ça se passe super bien. Des petits problèmes de son tout à l'heure, mais bon, c'est réglé. On a oublié de faire ça tout à l'heure avec Yo. On a oublié de dire que vous faisiez partie d'un podcast aussi avec Péremptoire. Est-ce que tu peux me dire le nom et où est-ce qu'on peut vous trouver sur les internets ? Alors, je peux pas vraiment dire le nom. Ah bon ? Ça fait partie de la déontologie de ceux qui participent, on va dire. C'est Voldemort, c'est Voldemort votre podcast en fait. C'est ça. On peut pas, sinon il y a le mauvais œil qui abattra sur nous et toutes les générations suivantes. Bon bah tant pis, bon j'ai essayé de te piéger mais tant pis, merci beaucoup. Bien tenté. Mais on a déjà dit on pouvait vous trouver tout à l'heure dans l'émission, donc écoute, merci beaucoup. Bah merci, c'est gentil. Et puis bon courage pour la suite. Ouais, merci. Bon, je te dis à plus tard. Ouais, salut. Salut. Eh ben bravo, effectivement. Cool. C'était bien Samantha qui est la sorcière, Andora est la maman. Mais non, je confondais avec Sabrina en fait. Tabata, c'est sa petite fille. D'accord. Qui elle aussi a des pouvoirs et Johanna, c'est juste parce que ça rimait en fait. Ok. Bon, bah, écoute, bien joué. Et non pas comme. Donc je me mets un petit point et on retourne à égalité. Ah oh là là, on est nouveau à égalité. Là là, c'est incroyable. C'est à ton tour, Bibou, pour bien la sûr. 21e question. Exactement. Dans la série Au-delà du réel de 1963. Quelle est la première phrase d'accroche ? Est-ce que c'est « Votre téléviseur marche parfaitement, ne touchez à rien » ? Est-ce que c'est « Détendez-vous, ceci n'est pas un téléviseur, ceci est votre inconscient » ? Ou est-ce que c'est « Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image » ? Ou est-ce que c'est « Installez-vous de façon confortable et n'oubliez pas votre brosse à dents, sa dent » ? J'adore, excellent. Est-ce que tu veux que je te le répète, c'est un peu long ou tu l'as Moi je connais la réponse parce que je suis comme toi, j'ai suivi cette émission vraiment très très longtemps. Je suis une grande fan de frissons et d'horreur. D'accord. Mais pour les auditrices et auditeurs, je veux bien que tu leur redonnes donc dans Au-delà du réel, quand il s'adresse en fait à celui qui regarde l'écran, que dit-il ? Alors, votre téléviseur marche parfaitement, ne touchez à rien. Détendez-vous, ceci n'est pas un téléviseur, ceci est votre inconscient. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Ou installez-vous de façon confortable et n'oubliez pas votre brosse à dents à dents. On sait très bien que la dernière, c'est une vieille émission qui date la brosse à dents à dents. Et non, c'est ne réglez pas votre téléviseur. La troisième. N'essayez donc pas de régler l'image. C'est une très très bonne réponse, bien joué. J'adorais cette émission. Ouais, moi aussi. On en a regardé encore des autres épisodes il n'y a pas si longtemps, c'était, c'était bizarre. Ah oui, c'est possible. Ouais. Alors, ma 22e. Dans Le Grand Bleu de 1988. Ouais. Ouais, va être facile ça. Comment s'appellent les deux fans de plongée en compétition depuis l'enfance ? Est-ce que c'est Jacques et Lorenzo ? Est-ce que c'est Jacques et Enzo ? Est-ce que c'est Paul et Lorenzo ? Ou est-ce que c'est Paul et Enzo ? Alors, j'ai Enzo. Mais est-ce que tu peux me répéter les quatre ? Bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est Jacques et Lorenzo ? Est-ce que c'est Jacques et Enzo ? Est-ce que c'est Paul et Lorenzo ? Ou est-ce que c'est Paul et Enzo ? Alors, j'hésite entre Jacques et Paul. Je vais dire Jacques et Enzo. Et est-ce que tu valides ? Je valide cette réponse. Et oui, c'est une bonne réponse. Jacques Maiol, qui est français, et Enzo Molinari, qui est italien. Ok. Ils se prennent la tête depuis qu'ils sont enfants par rapport à la plongée. Ok. Joli point. Bon. Je vais faire Pierre, Paul, Jacques, mais c'est trop de propositions. On est encore à égalité. Et tu sais que si on continue comme ça, à la fin de l'émission, ça risque d'être compliqué Oui, je sais pas comment on va finir ça. Non. On verra. Bon, est-ce qu'il te reste des jokers, toi, ou moi j'ai tout fini en fait. Mais il me reste un 50-50. D'accord, ok. Alors, question numéro 22. En même temps, il reste un petit peu de questions. Oui, comme... Dans Indiana Jones et la dernière croisade, quelle est la ville de départ qui mène au lieu où est conservé le Graal ? La ville de départ ? Oui. D'accord. Est-ce que c'est Alexandria ? Est-ce que c'est Ankara ? Est-ce que c'est Alexandretta ? Ou est-ce que c'est Adriana ? Donc on a Alexandria ou Alexandria ? Alors je répète, Alexandria, Ankara, Ankara, Alexandretta ou Adriana ? J'ai peur que tu m'aies mis un piège avec Ankara. Il y a tout un parcours, pas mal de pays à faire pour trouver le Saint Graal, et c'est justement l'information que n'avait pas le père d'Indiana Jones. Père, en fait, quoi. Donc c'est Alexandria. La réponse A. Et je valide. Tu valides ? Oui. Et non, c'était Alexandretta. Alexandretta. Qui se situe en Turquie. C'est Alexandretta, la bonne réponse. Ok, bon. Voilà. Zut. Je suis désolé. Ben oui. Dans Midnight Express, en 1978, quelle est la durée de prison de Billy Hayes pour 2 kilos ? 2 kilos. 2 hashish. 2 kilos, hein. J'insiste. Est-ce que c'est 1 an ? Je peux même te donner la réponse. Là, est-ce que c'est 10 ans ? Est-ce que c'est 60 ans ? Ou est-ce que c'est perpète ? Ah, alors vas-y, répète-moi les réponses. Est-ce que c'est... Quelle est la durée de la prison de Billy Hayes pour 2 kilos de hashish ? Est-ce que c'est 1 an ? Est-ce que c'est 10 ans ? Est-ce que c'est 60 ans ? Ou est-ce que c'est perpète ? Eh ben non, j'ai même pas la réponse. Ah, tu vois ? Alors, 1 an, c'est sûr que non. 10 ans, 60 ans ou perpète, tu m'as c'est dit. C'est ça. Perpète, je dirais non plus. Entre 10 et 60. Je vais te dire 60 ans. Est-ce que c'est votre dernier mot, Bibou ? C'est mon dernier mot. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Ah ouais ? En fait, au tout début, quand il a été jugé, Billy Hayes, il n'avait que quelques jours. Mais en fait, le tribunal turc a voulu faire de lui un exemple. D'accord. Et il a commué sa peine à perpète pour 2 kilos. Ah d'accord, ok. D'où le fait qu'il pète un plomb en prison. Donc la réponse est perpète pour Billy Hayes. Alors, dans Futurama, Fry est cryogénisé de façon accidentelle. Mais quand se réveille-t-il ? En 2099, en 3099, en 4099. Ah non, excusez-moi, je vais répéter mes réponses. 2999, 3999, 4999 ou 5999. On dirait le juste prix là quand je fais c'est ça. C'est clair. Pierre Belmart qui donnait les. Le téléachat, seulement ouais. €2,99. Est-ce que tu veux que je te répète ou c'est bon? T'as dit 2999, 3999, 4999 et 4999. Et 5999, ouais, tout à fait. Ok. Fry se fait congeler. Ça a été tourné dans les années 90. Je vais partir sur 2999. Est-ce que tu valides? Et je valide. C'est une très très bonne réponse. Ouais. J'avais un doute et je me suis souvenu de quand ça a été tourné. Il voulait pas partir trop loin vers le futur, quelque chose qui peut être. Ouais. Un futur assez proche, quoi. 5, okay. 10, 15. Et oui, t'es à 15, je suis à 14. Bim. Oui. J'attaque ma 24e. Ok. C'est ça. Dans la série Glow, combien y a-t-il de lutteuses dans l'équipe? Ouais, bien sûr, ouais. Est-ce qu'il y en a 8? Est-ce qu'il y en a 9? Est-ce qu'il y en a 10? Ou il y en a 11? Alors. Combien y a-t-il de lutteuses dans la série Glow? Je peux déjà t'en donner 2. On a Zora la Destructrice, il y a Liberty Belle, qui sont les plus connues. Alors répète-moi une dernière fois, je suis désolé. Bien sûr, combien y a-t-il de lutteuses dans la série Glow? 8, 9, 10 ou 11? J'ai envie de te dire 9. J'ai plus de joker, j'en sais rien du tout. Et tu valides 9. Et je valide 9 en fait. D'accord. Ouais. Et c'était 10. Hein. Elles sont 10 lutteuses plus le coach qui s'appelle Sam. Ah ouais, c'était compliqué là. Ouais, je chipote. T'as gardé les plus durs pour la fin, c'est ça? Ah, peut-être. Ouais. Je pensais que t'étais plus en forme vers la fin. Ma question 24, c'est ça? Allez, vas-y. Alors, j'ai un petit souci, c'est que j'ai une question qui porte sur Midnight Express. Ouais. Avec une information que tu m'as donnée tout à l'heure dans une question. Ah. Donc j'ai envie de te trouver une autre question. Eh ben moi je te dirais comme ma question 7 tout à l'heure, je la barre. Tu la barres et tu prends ta question 32. Ok, ou 31. Comme ce que j'ai fait. Pas de problème. Alors, dans Lost, complète cette suite de nombres. 4, 8, 15, 16, 23, 32, 42, 52 ou 62. Je vais te laisser répéter la suite de nombres ainsi que les réponses. Bien sûr. 4, 8, 15, 16, 23, 32, 42, 52 ou 62. Et la fin de cette suite dite maudite par Hugo Reyes est 4, 8, 15, 16, 23, 42. C'est une très très bonne réponse. Merci mon bibou. Qu'il faut rentrer sur l'ordinateur toutes les 108 minutes. Exactement, sinon boum. Pourquoi tu m'as montré ton papier, tu les avais notés en fait? En fait non, quand tu m'as donné les chiffres, je l'ai écrit en même temps et du coup je l'ai fait. Ah d'accord, ok, très fait. Bien. Et comme ça je t'ai montré que bim, j'avais 42 avant que tu le donnes à la première réponse. Ça marche. Petite question numéro 25. Où vit Arabesque? De la série du même nom, Arabesque. Arabesque, on répète, c'est une écrivaine de science-fiction policière qui enquête aussi sur des crimes. Elle fouine un peu partout et j'ai appris en faisant mes recherches en fait que durant cette série, elle a été fichée au FBI, à la CIA et au KGB. À force de trop fouiner en fait, Arabesque était quelqu'un de fiché. D'accord, ok. Mais où vit Arabesque? Eh ben, elle vit à Cabot Cove, elle vit à Long Beach. Elle vit à Palm Beach ou elle vit à Iceland Cove? Oh, c'est super compliqué tes questions là. Oh, je sais que t'as regardé Arabesque quand t'étais petit. Mais t'es non, je regardais moi. Pas trop Arabesque. Bah, tu connais le générique. Mais je connais le générique comme tout le monde, mais oui. Je connais pas trop la série. Ah, bah, dans le générique, tu vois le nom de sa ville hein, quand même. Hein. Ouais. J'ai revérifié encore. Tu vois le nom de sa ville dans le générique. Alors répète-moi une dernière fois. Cabot Cove, Long Beach, Palm Beach ou Iceland Beach? Eh bien, je vais dire le premier, Cabot Cove. Et c'est une très bonne réponse. Tu vois comme quoi... Quand tu donnes les réponses au hasard, ça marche. Ça marche aussi, oui. Exactement. Te voilà 15. C'est ça. Et toi, tu as 16, si je me trompe pas. Voilà. Ok. À toi, mon bibou. C'est facile, ça. Question numéro 25. Dans Scrubs, JD a écrit un scénario mettant en scène un médecin vampire. Quel est son nom? Oh punaise, pour toi c'est peut-être facile, mais là, vas-y. Docteur Vamper, Docteur Sferatu, Docteur Vlad Tapas ou Docteur Acula. Alors, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je vais utiliser un petit peu. Je vois un peu comment est le personnage. Vas-y, redis-moi. Alors, Docteur Vamper, Docteur Sferatu, Docteur Vlad Tapas ou Docteur Acula. Je veux bien que tu me redises le deuxième et le dernier, s'il te deuxième plaît. Deuxième et dernier. Alors, Sferatu ouais. ou Acula. Oh là. Je vais prendre Acula, Docteur Acula. Et je valide. Et tu valides ? Ouais. C'est une très bonne réponse. C'était Docteur Acula qui fait Dracula. Donc, tu passes ça, 15, 16 mmh. Bah, 17. Eh ben, 17. Ah là là. Ça va être compliqué. On est à la 26e question, là. Allez, dans la soupe aux choux de 1981. Ah ouais. Ah okay. Ouais, oulala. De quelle planète vient l'extraterrestre friand de soupe aux choux appelé par les paix du Claude et de la denrée ? D'accord. Est-ce que c'est la planète Ulu ? Est-ce que c'est la planète Oxo ? Est-ce que c'est la planète Vulcain ? Est-ce que c'est la planète Odessène ? Alors, je pense pas que ça soit les deux dernières. Tu peux me répéter les deux premières ? Ulu et Oxo. Je vais dire Oxo. Est-ce que tu valides Oxo ? Je vais valider Oxo. Et c'est une très bonne okay. Réponse. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai alors, pas Ulu, ce c'est... film. J'ai juste modifié le nom d'une plateforme de visionnage. D'accord. Vulcain, c'est les Star Trek. C'est Vulcain, ouais. Et Odessène, c'est Star Wars, en fait. D'accord. C'est une okay. Planète tellurique de montagne et d'eau. C'est la seule à collaborer avec ou qui a une parité parfaite au niveau de la force, au niveau de l'alliance. Ok, très bien. Et te revoilà avec un petit point supplémentaire, mon bibou. Cool. Planète Oxo. Ok. Question numéro 26. Comment s'appelle le personnage de Jeff Goldblum dans Independence Day ? Est-ce que c'est Ian Levinson, Peter Levinson, David Levinson ou Chris Levinson ? Tu peux redire les réponses, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, je quasiment sûr que tu le connaissais, mais là, ça t'a embrouillé vois... avec toutes non, les non, réponses. Je viens de... J'ai la réplique du papa qui appelle son fils, donc je sais comment il prie. Bien sûr. Alors, Ian Levinson, Peter Levinson, David Levinson ou Chris Levinson. Et j'ai la phrase du papa qui l'appelle David. C'est ça. Voilà, et c'est David Levinson. C'est une très bonne réponse. Bien joué. Merci, Bibou. Un petit point. Pour Bibounette. Eh ben, t'as pris deux points d'avance. Là, je crois que ça va être un peu compliqué. Oh, je t'avais dit. C'est pas fini. Non, c'est vrai. Dans Umbrella Academy, combien y a-t-il d'élèves ? Est-ce qu'ils sont 5 ? Est-ce qu'ils sont 6 ? Est-ce qu'ils sont 7 ? Ou est-ce qu'ils sont 8 ? Est-ce qu'ils sont 5, 6, ouais. 7 ou 8 ? J'en appelle à ta mémoire proche, parce qu'on a vu il n'y a pas si longtemps la 2, la saison ouais, 2. Non, mais je l'ai donc déjà là, oublié, c'est ta mémoire ouais. proche. 5, 6, 7, 8. Exactement. Combien y a-t-il d'élèves dans Umbrella Academy ? Je vais te dire 6. Est-ce que tu valides ? Je vais valider 6. Et c'est une mauvaise réponse. Ah ouais. C'est Vanya, la numéro 7, celle qui crée l'apocalypse à la fin du d'accord. 1. Je vais m'arrêter sur là, mais je ne vais pas spoiler le 2. Mmh. Sinon, c'est Luther qui est très fort, qui finit sur la Lune. C'est le numéro 1. Numéro 2, c'est Diego. Allison, c'est la numéro 3. Klaus, le complètement barré, c'est le numéro 4. Ben, qui est décédé, c'est le numéro 6. Numéro 5, c'est le petit garçon, on l'appelle numéro 5. Et numéro 7, c'est Vania qui arrive. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah, écoute, ils sont 7. Ok. Au revoir, petit point. Question oh non. numéro 6. Oh non. Encore un point. Et là, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Non, je suis en avance. Alors, question 27. Dans Bojack Horseman. Quel est le nom de la sitcom des années 90 dans laquelle a joué Bojack ? Donc là, je vais te demander le nom en VF, en version française. Est-ce que c'est Cabriole en famille, Culbute en famille, Galipette en famille ou Gambade en famille ? J'hésite entre deux, mais je ne vais pas te le dire vu qu'il me reste un 50-50. Donc je vais répéter si ça ne te dérange pas. Je veux bien, ouais. Cabriole en famille, Culbute en famille, Galipette en famille Galipette. Ou Gambade en famille. Je vais prendre la dernière, Gambade en famille, et je valide. Tu valides ? Ouais. C'est une mauvaise réponse, ah, c'était Galipette en famille. Galipette, bah oui. J'aurais dû m'en douter, c'est un petit peu tordu, Bojack, en plus. Alors, oui. Ma 28e question. Depuis combien de temps a été postée la lettre de Doc pour Marty dans Retour vers le futur 3? Ok. Est-ce que c'est 60 ans? Est-ce que c'est 65 ans? Est-ce que c'est 70 ans? Ou est-ce que c'est 75 ans? Alors, c'est au début du film. Ouais. T'as Marty qui voit partir Doc dans un éclair. Et au final, t'as une voiture qui s'arrête, t'as un homme en noir qui sort et il donne cette lettre à Marty, il dit « J'ai cette lettre pour vous depuis... » Ok. Et ça vient de Helmut Brown. Ok. Parce qu'il a été donc projeté dans le Far West. Ouais, ouais, tu sais, bien sûr. Se passe dans le Far West. Ouais, ouais. Okay. Mais vu que je me rappelle pas la Mais date... Mais depuis combien de temps y a-t-il cette lettre? Ils avaient même fait une sorte de pari à... Parce que c'est la plus vieille lettre qu'il devait remettre, en fait, oui, chez l'huissier. Oui, oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Si c'est, la personne serait au rendez-vous. Est-ce que c'est 60 ans, 65 ans, 70 ans ou 75 ans? J'en ai aucune idée comme ça. Ça va être du hasard. 60, 65, 70, 75, tu m'as dit. Tout à fait. Je vais te dire 75 ans. Est-ce que tu valides? Je valide. Non, c'est une mauvaise réponse, d'accord. C'est 70 ans. Et bah, ça faisait 70 ans que la lettre attendait d'être remise. Ok. Bon, pas tant pis. Bah tant pis. T'as plus de joker non plus, toi? Non. Ouais, bah. Non, non, j'ai plus rien. Alors, question numéro 28. Il en reste 4. Donne-moi un personnage qui n'a pas été inventé par Andy Kaufman dans Man on the Moon. Interprété par Jim Carrey. Latka. Foreign Man. Adrian Kronauer. Kronauer, ouais. Ou Tony Clifton? Alors, le premier et le dernier, oui. Je veux bien que tu les donnes. Donc, Andy Kaufman, donc t'as Latka. Donc, je répète les quatre, si ouais, tu veux. Vas-y. Latka, ça c'est bon. Foreign Man, Adrian Kronauer ou Tony Clifton? Ah non, c'est Tony Clifton. Bah non, Tony Clifton, c'est lui aussi. Tu peux me redonner le B et le C, s'il te plaît? Bien sûr. Foreign Man ou Adrian Kronauer? Je vais prendre Adrian Kronauer. Oui. Oui, et je valide. C'est une très bonne réponse. Ah, super. Le Donc, Tony... Latka, c'était bien le personnage qui l'interprète dans une sitcom qui s'appelle Taxi. Alors, Foreign Man, c'est l'étranger. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce sketch où il interprète quelqu'un qui est derrière un orchestre. Il n'a qu'une phrase à donner, en fait, qu'une phrase à chanter pendant tout l'orchestre. Ah, celui qui ne fait qu'un seul bruit à un moment. Exactement, ah. Voilà, ouais. Adrian Kronauer, comme tu as répondu, c'est Robin Williams dans Good Morning Vietnam, c'est le nom de son personnage. Voilà. Et Tony Clifton, c'est justement une sorte d'alter ego, en fait. Ouais, plus ou moins, ouais. C'est le personnage absolument affect qui fait du... comment on appelle ça? Dans les cabarets, en fait, quoi. Qui chante ouais, et qui met mal à l'aise tout le monde, quoi. Qui est limite vulgaire aussi, ouais. En fait, tout le temps. Donc, c'était bien Adrian Kronauer, bien joué. Yes! Et encore un petit point pour Bibounette. Alors là, tu es à 19, je suis à 16. Ça va être très compliqué pour moi. Mais non, rien n'est joué. Mais si. Mais non. Alors, 29e question. Dans X-Files de 1993, quel est le vrai métier de Scully, interprété par Gillian Anderson? Et en plus, j'ai appris quelque chose ce matin, c'est son anniversaire aujourd'hui, le 9 août. Ah bah bon anniversaire, bon anniversaire Gillian Anderson, si tu écoutes notre podcast quiz. Donc dans X-Files, quel est son vrai métier à Scully? Est-ce qu'elle est médecin? Est-ce qu'elle est épidémiologiste? Est-ce qu'elle est légiste? Ou est-ce qu'elle est les trois à la fois? Oh. Médecin, épidémiologiste, qui s'occupe des épidémies. Bien sûr. Légiste, qui s'occupe des morts. Ou les trois à la fois? Ah, je suis tenté de dire les trois à la fois, connexion X-Files. Quel est le vrai métier de Scully? Médecin, légiste, épidémiologiste, les trois à la fois. Écoute, là, je crois que je suis plus à ça près, je vais dire les trois à la fois. Donc toi, tu dis les trois à la fois, et non, elle est médecin. Elle est juste médecin. Elle est juste médecin, bon. En fait. On la voit faire certaines choses, mais... À la base, elle est médecin. D'accord. Ouais, je t'avoue que c'est un bouton que j'ai pas regardé X-Files, donc... C'est ouais. Vrai. C'est vrai. Ok. 29e question. Ce toc du OK à chaque fois que tu... OK, quand il y a un point qui part. OK. Quand ça m'énerve. Ouais, quand ça t'énerve. Et que je peux pas le montrer. OK. OK, OK. OK. Dans l'histoire de The Leftovers, ouais. Quel est le pourcentage des êtres humains qui vont subitement disparaître de la surface de la Terre? Est-ce que c'est 2%, 5%, 12% ou 15%? Le pourcentage de personnes qui vont disparaître de la Terre dans Leftover, 2, 5... 2, 5, 12 ou 15%. 12 ou 15, hein, tu m'as dit. 12 ou 15, les deux dernières, ouais. Ben, je vais dire 12%. Tu dis 12? Oui, je valide. Et c'est 2%. Ah, c'est déjà pas mal, en fait. C'est déjà énorme. Ouais, ouais. J'espère que c'est ceux qui mettent pas de masque. Pas bien joué. De quoi souffre Donnie Darko dans le film de 2001? Quels sont ses problèmes? Est-ce que Donnie est atteint d'hallucinations et de mutisme? Est-ce qu'il est somnambule et victime d'hallucinations? Est-ce qu'il est atteint de somnambulisme et de TOC? Ou est-ce qu'il est atteint de TOC et de mutisme? Dans le film de Donnie Darko de 2001. Mmh. Alors je crois que j'ai la réponse. Hallucination, mutisme, somnambulisme, somnambule et hallucination, somnambulisme et TOC ou TOC et mutisme. Alors il me semble qu'il est somnambule et il est atteint d'hallucination. Est-ce que tu valides? Et je valide. Et c'est une très bonne réponse. Ça c'était ma 30e. Qui ne me fera pas gagner dans tous les cas parce que je suis... Eh oui, écoute. 30e question pour moi. Dans Retour vers le futur, le premier, quelle est la date exacte du voyage dans le temps vers le passé de Doc et Marty? Donc ils vont vers le passé avec la DeLorean. En 1955. Mais quelle est la date exacte? Est-ce que c'est le 20 juin 55, le 5 novembre 55, le 20 décembre 55 ou le 1er août 55? Je te laisse les redonner si tu veux. Et bien sûr, le 20 juin 55, le 5 novembre 55, le 20 décembre 55 ou le 1er août 55. Ça a été facile, c'est le 5 novembre 1955. C'est une très bonne réponse, ok. Oui. Et normalement, toi et moi, on en a encore une qui nous reste. Parce qu'on en avait une en double, on en a donné une en plus. On avait deux questions en plus, on peut la faire si tu veux. Moi, déjà, je m'en reste une. Oui, il m'en reste une aussi. Alors, ma 31e, du coup, ce sera dans la série Mad Men, donc de 2007. Comment s'appelle l'agence de publicité où travaille Don Draper? Ah, je pensais qu'on allait chanter, j'étais prêt. Là. Ah, mais non. Pas à chaque fois quand même. D'accord, vas-y. Est-ce que ça s'appelle Sterling Draper Advertising? Est-ce que ça s'appelle Cooper Draper? Est-ce que ça s'appelle Sterling Cooper? Ou est-ce que ça s'appelle Cooper Draper? Je vais pas dire Advertising à chaque fois, okay. C'est Sterling Draper, Sterling Cooper ou Cooper Draper. Alors ça implique que Draper soit associé et je crois qu'il devient un peu plus tard dans la série. D'accord. Excuse-moi, est-ce que tu peux me répéter encore une dernière fois? Ah bien sûr, il y a Sterling et Draper en A, ouais. Cooper et Draper en 2, Sterling Cooper en 3 et Cooper Draper en 4. Alors je vais te dire, je pense Cooper Draper, je crois que Sterling ça vient d'une autre série. Je vais dire Cooper Draper. Et c'est une mauvaise réponse. D'accord, c'était... Ouais. C'était Sterling Cooper, c'est son patron en fait. Parce D'accord. qu'en fait, Don Draper, effectivement, travaille dans l'agence de pub, mais en tant que commercial, cadre même, un des très bons cadres, et ami de Sterling. Et c'est lui qui fait partie de... qui a son nom sur le nom de la boîte. Sterling, c'est le mec qui a les cheveux grisonnants. C'est ça, qui joue aussi dans Desperate Housewives. Ah ouais, qui est un de mes personnages préférés dans Mad Men en fait. Quoi. C'est ça, et donc c'est le nom de l'agence, c'est Sterling Cooper Advertising. Ok, et eh ben 0 point pour Bibou. Ok. Oh non. Dans Seven, combien de meurtres n'a pas eu le temps de réaliser Kevin Spacey, donc John Doe, avant de se faire arrêter? 1, 2, 3 ou 0? S'il y en a qui n'ont encore pas vu, ils se sont fait spoiler qui est le John Doe. Ah bah c'est quoi. Un peu comme... Comme Usual Suspect, quoi. Oui, je pense, ouais. En même temps, non, 2020, donc... Attends, je prends un film qui a quasiment 20 ans maintenant, donc... Combien de crimes n'a pas pu commettre... Alors déjà, c'est lui qui se rend à la police. Tu sais qu'il a tout un plan pour réaliser ses crimes. Ouais. Qui sont basés sur les 7 péchés capitaux, que je peux te répéter si tu veux. Non, il n'y en a que 2 qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait la colère, l'envie, il l'a fait. Ça fait 1. Je répète les... Il a fait l'envie. Est-ce que je peux répéter les 7 péchés capitaux? La colère, l'avarice, l'envie, l'orgueil, la gourmandise, la paresse et la luxure. Ouais, donc c'est ça. Il manque que la colère et c'est Brad Pitt qui l'a fait. Donc il en reste 1. Il en reste 1 ouais. Et non, il en reste 0. Son plan est mené à bien. Bah non. Alors, il en restait deux à la fin, avant qu'il se fasse arrêter. L'envie, c'est le tueur qui la représente parce qu'il jalouse la vie des deux flics et il tue la femme. Oui, c'est ça. Et la colère, et la colère, c'est David Mills en tuant Kevin Spacey. Donc, les sept péchés capitaux sont bien effectués. Ah oui, les sept péchés sont bien effectués, ouais. Donc ouais, zéro. Mais par contre, lui, le tueur, il peut pas en effectuer sept. Et le dernier, c'est pas lui qui l'effectue. Ah, c'est pas lui directement qui l'effectue. Oui. Mais son plan des sept péchés capitaux... Ah oui, il est tenu. Voilà. Okay. Bon. J'ai hésité avec cette question. Ouais, je sais qu'elle est un peu tendancieuse. Un peu ambiguë. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes questions bonus. Je comptais même pas la faire, en fait. D'accord. Quoi. Mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose au score final. Non. Parce que du coup, je suis à 15-17. Mmh. Et tu es à 20. Voilà. Et qui c'est qui a gagné ? C'est Bibounette. Je viens de le dire, oui. J'ai gagné. Eh bien, je vais nous mettre Darando. Ouais. Avec le morceau Didn't I, qui est tiré de la BO de Breaking Bad. Ça va nous faire du bien pour clôturer en beauté. Exactement. Bon, bah, Bibounette, cette grande saga de quiz trois épisodes est terminée. C'était un grand bonheur, en tout cas, de faire tous ces quiz avec toi. Surtout sur des sujets qu'on kiffe beaucoup. Hein. Moi, en tout cas, en tant que grande gagnante, je tiens vraiment à te remercier pour toutes tes rédactions. Et puis aussi pour ta mise en scène et tout le travail que tu as fait derrière. Je tiens aussi beaucoup à remercier mes appels. Oui. Oui, je remercie Lynn qui a été aidée de Franck. Ouais, très bien. Je remercie Vincent. Moi, je remercie aussi Nina. Je remercie Alex. Merci à vous. Oui. Et on remercie Yo. Et PM. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis pour cette première trilogie de quiz. On en refera d'autres, je pense. Bah, j'espère que Bibou va gagner quand même. Ouais, t'inquiète pas. Ouais. Bon, j'avoue qu'en 3 semaines, là, enregistrer tous les dimanches. Ah, ça tire un peu. 3 semaines d'affilée, préparer les questions, le montage, la mise en ligne. Amusez-vous, si vous voulez faire un peu pareil. Intensif, c'était un peu rock'n'roll. On va faire une petite pause. On va se retrouver bientôt pour un épisode un peu plus classique, en fait. C'est ça. On a déjà un petit sujet, mais on va pas le dire maintenant. Évidemment que non. Ne fais pas cette tête-là, Bibounette. Ouais. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. C'était vraiment super agréable de faire des quiz et de passer du bon temps ensemble. C'est passé trop vite et c'était trop long à la fois, parce que c'est vrai qu'à un moment, ça tire. C'est mais vrai. C'était vraiment très, très agréable. Et merci vraiment beaucoup à tous nos amis qui sont rendus dispo, qui ont attendu avec leur téléphone et qui ont joué le jeu, même si les réponses n'étaient franchement pas toujours très, très bonnes. Mais c'est pas grave. L'important, c'est le jeu aussi. Ouais, l'important, c'est de jouer. C'est le jeu, ma popie. Et c'est cool, ouais, c'est le jeu. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, mon Bibou. On se dit au revoir. À bientôt, Bibou. Allez, ciao. Salut, salut. you love a little.